À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée, le Parti des ouvriers de Hongrie et l'Association d'amitié Slovénie-Corée ont organisé les 2 et 3 juin les conférences. Lors des conférences, les orateurs ont affirmé que grâce à la direction de la révolution fondée sur l'idée de Sung-un du général Kim Jong-il, les militaires et civils coréens ont pu sauvegarder résolument le drapeau du socialisme tout en surmontant les difficultés et épreuves sans précédent dans l'histoire.